encore, c'est au sureau. Le sureau. Alors, le sureau, j'ai fait des beignets de fleurs de sureau et des beignets de fleurs d'acacia. J'adore ça. Sinon, avant, je faisais de la confiture maintenant, avec les baies. Mais ici, Ça se faisait là-bas. oui. Ici, c'est surtout les murs. Mais ça, tu fais la confiture de Ouais, mur. parce que j'adore ça. C'est ma confiture préférée. Les beignets, tu l'as su comment ça? C'est quelqu'un qui te l'a dit? J'ai su ici. C'est quelqu'un d'ici qui te l'a dit? Je sais pas qui, mais c'est quelqu'un. Mais jamais en tisane. Pas de soleil. Non.